Yeah, yeah. On arrive à poil, les poches vides, mais l'âme pleine. Un caillou, une claque et c'est l'été qui déchaîne. Les serveurs chauffent comme un barbecue grillé. Et je pose mon sac à dos au milieu des claqués. Je farme les cailloux comme si j'étais sponsorisé. Des fibres dans l'inventaire, je fais du style avec du tissu troué. Y'a Kevlar dans les buissons qui rigolent au fond. Mais je suis qu'un touriste avec mon short, j'ai le swag de fond. Je monte une cabane bancale, trois murs, une porte en bois. Un feu de camp qui pue la viande loup, t'as pas le choix. Les voisins me shootent, pas grave, je reviens en tombe. C'est Russ pince pas ici, c'est la jungle qui gronde. Dans le barbecue, la tourelle s'enflamme. Un noob qui danse deux balles dans l'abdomen. J'vois Raider Skill dans le sky comme un totem. Summer drill party, on raid pendant que tu m'aimes. Boum dans la caisse, y'a du C4 qui traîne. Les viewers crient, vas-y envoie la scène. Ici c'est le fun, la panique et le système. Heureuse nous pèse, mais toujours avec thème. La plage est belle, sauf qu'elle est minée. Je me suis allongé, boum, j'ai plus de pieds. Un hélico passe, je lance une roquette de panique. Et je vois ma basse s'effondrer sur un beat ironique. Les viewers m'aident, ils spam, on ferme la porte. Mais je suis trop occupé à chanter devant ma porte morte. On rit, on perd, mais on reste stylé. Même quand l'inventaire dit désolé, tout envolé. Hop, hop, dans la base, la grille crache des flammes. Je balance du funk dans le micro comme un chaman. Rider Skill revient armé de ses larmes. Mais c'est les rires qui déclenchent toutes les armes. J'drop du fun, on pile pendant que tu râles. Drill d'été, ambiance royale. Si t'es pas mort, t'as pas joué. Et si t'as tout perdu, ben t'as kiffé. On a rien à prouver, juste des plans foireux. Un feu d'artifice bricolé, de viewers. On court en slip vers la gloire et l'explosif. Dans Rust, chaque bug devient narratif. C'est pas un stream, c'est une rave improvisée. Avec des noobs en feu qui savent pas reloader. Rider Skill danse pendant que ça crame derrière. Et tous les viewers crient, c'est légendaire. Ceux on pète des bases, on rate des flèches. Mais l'ambiance est là, même quand on crève. Rust c'est l'enfer, l'été c'est le prétexte. Mais qu'est-ce qu'on se marre dans ce bordel complexe.